africain. Respectons tous les hommes de nos pays. Peuple africain, mets-toi debout. Debout africain, tous ensemble pour l'Afrique. Africa stand up, everybody for Africa. Debout africain, tous ensemble pour l'Afrique. Africa stand up, everybody for Africa. Shake your body, I'm not gonna wait. Formerly planning is important for a good education. African, Amajeka, Kekele, what's Africa, Tarangé? Debu Africa, tous ensemble pour Afrique. Africa stand up, everybody for Africa. Debu Africa, tous ensemble pour Afrique. Africa stand up, everybody for Africa. Ya Mashar al-Shabab al-Afrikayoun, علينا بالاتحاد والمحبة والتعاون بالسلام ونتعلم كل ما شاء الله. فرافينا ديو أغادي برا لا والسا أفريكا تاني. نايا وسامينا ساني بوناني سونجي سينغاما أفريكا ميلينغا سو سونجي إسكاتي سيحالي سيبومبين. Jeune, Timbela, et loco il faut ça là, Zala na boule. Vamos, vamos, vamos. Ma rêve kakate. Dear Africans, chemistry to change our continent is on our hand. God bless Africa. Vimu, vimu, vimu, vimu, shika. La jeunesse, dividende démographique pour le développement de l'Afrique. Wakahaji wa Afrika, tuwe mutu moja, ili tujenge Afrika mupya na yenye nguvu. Soko tasike, vimu, vimu, vimu, vimu, shikat, eshikat. La jeunesse africaine, vimu, vimu, vimu, vimu, shikat. Nous devons chicoter le chômage et faire la promotion de l'entrepreneuriat, fond de la jeunesse africaine. Jardinier, il y a un fleur qui a été fait. Alors, il y a un fleur qui a été fait. Il y a un fleur qui a été fait. Donc, nous avons créé les sous fleurs qui a été fait. Le réchauffement climatique. Qui va prendre la chute condensée, mais c'est qui dérange ma femme. Kala soko beleli na boutou, on a un qui va te babini quoi. Mais le soko beleli. Batoua la mouki, mais pour pas qu'on a ma force, n'a pas ou bien bien. D'ailleurs, vérifiez son agrément pour toi. Debout africain, tous ensemble pour l'Afrique. Africa stand up, everybody for Africa. Debout africain, tous ensemble pour l'Afrique. Africa stand up, everybody for Africa. Mona moto sia koma mukolo akuba mazolo mukolo na koma mukolo na kosala boy koma mukolo mbala boni shake your body and I got the way you shake an African people.